Sur la tempe, il n'y a pas assez de poèmes pouvant éclaircir les cavernes aux pailles humides des cachots. L'ardeur des étendards, il se hisse face au vent et tapisse les héros d'une étrange fièvre. Une lente agonie tiraillant les poussières de vie où s'émancipèrent un jour les billards de l'illusion. Sous un pont de la France, j'ai dressé une stèle sur laquelle était écrit mon nom. Les sépultures anonymes brûlant dans la tête des citoyens et traînent les couleurs des obscurs contes de fées tissés par une muse jouant sur l'autel d'une abbaye, aspirant à retrouver les volières des idéaux. Ce sont ceux que je maquille dans mes douces farandoles en entrebâillant les pupilles des silences de Morphée. Sous un pont de la France, j'ai dressé une stèle sur laquelle était écrit mon nom. Allumèrent un jour les symboles de la nation, indolence s'agitant au bout d'un verre français. Bienvenue sous le pont de la France, toi le citoyen où l'on offre le goût amer de la liberté. Ce trône s'attribuant les mérites du passé, vocifère l'honneur des grands hommes au sein de ta télévision. Bienvenue sous le pont de la France, toi le citoyen sous les couleurs de ton pays, demeure la réalité. Sont orphelines quand les géants de Paris jouent aux philanthropes dans les cavernes que tu as bâties. Tressaillent les bouteilles jetées dans la grande mer, appartenant aux funérailles des gens que l'on fait taire. Et le bas blesse les nuages des brebis montant l'air en s'abreuvant du breuvage donné aux pâtures en image. Sous un pont de la France, j'ai dressé une stèle sur laquelle était écrit mon nom. S'allumèrent un jour les symboles de la nation, indolence s'agitant au bout d'un verre français. Bienvenue sous le pont de la France, toi le citoyen où l'on offre le goût amer de la liberté. Ce trône s'attribuant les mérites du passé, vocifère l'honneur des grands hommes au sein de ta télévision. Bienvenue sous le pont de la France, toi le citoyen sous les couleurs de ton pays, demeure la réalité.